Stephen King aime les voies ferroviaires, Stephen King aime les cadavres, Stephen King a écrit Le Corps et Rob Reiner l'a adapté. À tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, comme d'hab, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Quoi de nouveau depuis la dernière fois? Cette fois-ci, il y a réellement du temps qui est passé depuis le dernier enregistrement. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, pas grand-chose de nouveau. Pas grand-chose de nouveau. On est engagé sur Twitch dans un duel ciné, enfin duel des films sur ta chaîne, qu'on n'avait pas commencé, je crois, la dernière fois. C'était déjà en projet, mais pas commencé. Effectivement. Et il reste des adaptations de King dans la course. Même si quelques-unes, oui. Hein, quand même. Dont celle d'aujourd'hui. Et Carrie, quand même. Le premier de notre classement. Oui, et Carrie, c'est vrai. King a été éliminé dans le tournoi, pour le coup. C'est vrai, mais il est tombé sur un adversaire redoutable. On vous laissera en juger. Ouais, c'est ça. Vous regarderez les replays, je mettrai tous les liens qu'il faut. Le dernier recueil de nouvelles de King est sorti il y a quelques jours en anglais. Il n'est pas encore arrivé, je l'ai commandé à mon libraire, mais il n'est pas encore arrivé, mais j'ai plutôt hâte de recevoir ça. Et sinon, c'est toutes les actualités qu'il y a pour le moment, à part que visiblement, le tournage du film Marche ou Crève est certain cette fois-ci, ça commencera en juillet. Visiblement, c'est assuré. Une œuvre qu'on va pouvoir ajouter à notre chapeau. Voilà, et une œuvre où on est plutôt curieux, pour le coup. Oui, exactement. Donc nous avons plutôt du bien à dire du roman, reste à voir l'adaptation, du coup. Oui, voilà, ça veut rien dire sur l'adaptation, mais on peut avoir espoir, en tout cas. Voilà. Et donc, je propose qu'on se lance sur la nouvelle longue Le Corps, qui fait partie du recueil Différentes Saisons, et son adaptation Stand By Me. Nous allons spoiler les deux, qui sont assez proches l'un de l'autre. Oui, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à lire ou à visionner, oui. Si ce n'est pas déjà fait. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Eh bien, allons-y. Le Corps nous raconte l'histoire de Gordon Lachance qui, en 1960, est un préado qui vient de perdre son frère aîné. Avec des amis, ils entendent parler d'une rumeur selon laquelle un enfant à peu près de leur âge est mort percuté par un train à quelques kilomètres de là où ils habitent et que le cadavre n'a pas encore été trouvé par les adultes, donc il est toujours sur place, et ils décident de parcourir la voie ferrée pour pouvoir voir le corps de leurs propres yeux, avec au départ l'espoir de devenir les héros locaux en signalant où est le cadavre, en signalant la disparition. C'est une nouvelle que King écrit pas mal de temps avant sa publication. Il dit qu'à l'époque, il aimait bien, quand il finissait un gros roman, travailler sur quelque chose de plus court pour se détendre. Et donc, Le Corps, il l'écrit après Salem, après avoir terminé le premier jet de Salem. Donc, au moment de la publication officielle, il y a pas mal de temps qui est passé. Mais il ne savait pas quoi en faire parce que c'est un format un peu bâtard où il se disait que c'était trop petit pour être publié indépendamment et en même temps trop long pour être publié dans les magazines de nouvelles qu'il contactait habituellement. Oui, effectivement. Mais du coup, c'est écrit plutôt tôt dans sa carrière. Ouais, clairement, c'est écrit plus assez tôt. La nouvelle est inspirée de deux souvenirs de King. Le premier est assez indirect. Apparemment, quand il avait 4 ans, il serait revenu très choqué chez lui et sa mère aurait découvert en l'interrogeant qu'il avait vu un de ses camarades se faire percuter par un train pendant qu'il jouait. Mais il avait 4 ans et il a effacé le traumatisme, donc c'est quelque chose qu'il sait juste via les souvenirs de sa mère, justement. Ouais. Et quelques années plus tard, un de ses camarades lui avait proposé de voir un cadavre, celui d'un noyé, alors qu'il pour le coup avait été retrouvé, mais le temps qu'il soit évacué par les légistes et compagnie, ils avaient pu voir le cadavre, effectivement. Mmh. Les deux histoires que raconte Gordon au cours du récit, parce que en fait, dans le corps, dans la nouvelle, il y a deux petites nouvelles qui sont intégrées, qui sont indiquées comme ayant été écrites par Gordon Lachance, qui est devenu auteur. Les deux nouvelles s'appellent en VO Stud City et The Revenge of Lardass Hogan. Et en fait, ce sont des nouvelles que King avait réellement écrites et publiées plus tôt en magazine. Stud City, il l'avait publié dans un magazine appelé Hubris en 1969, et Lardass Hogan dans The Main Review en 1975, donc il les retouche un peu, mais globalement, c'est des choses qui avaient déjà été publiées. Mmh. Il existe même un scénario pour une adaptation de Stud City, je suis un peu tombé dans un rabbit hole autour de ça parce que c'est très improbable comme histoire. À la fin des années 90, il y a un certain Sean Parlaman qui avait donc prévu d'adapter Stud City en film et qui avait écrit un scénario bon, qui n'est pas vraiment trouvable à l'exception de certaines parties. Et Sean Parlaman, c'était un activiste important, c'était pas du tout un scénariste, c'était un activiste important sur la prostitution enfantine en Thaïlande. Et donc le projet est interrompu en 2002 par le suicide de Parlaman qui tombe de la fenêtre de son appartement quelques jours avant de témoigner dans un procès important. Le suicide, oui, bien entendu. Voilà, c'est ça. C'est, visiblement, il n'y a rien qui a jamais pu être prouvé, mais ça a l'air très douteux, cette histoire. Donc voilà, l'anecdote totalement improbable qui connecte le corps à une histoire sur la prostitution enfant en Thaïlande. Bon, voilà. C'est très particulier, oui. Mm. Ce qui veut dire que si on fait ce jeu, tu sais, où on cherche un lien entre différentes personnes aléatoirement prises, je sais maintenant comment en faire un entre Stephen King et Gabriel Matzneff. Ça peut toujours servir. Plus incertain, parce que là, il y a un peu moins de preuves nettes, mais enfin, ça semble quand même plutôt avéré. La nouvelle a mené à une accusation de plagiat par un ami de Stephen King qui s'appelle George MacLeod. Et en fait, George MacLeod, c'est à lui qui est dédié la nouvelle, si tu vérifies au début. Mais oui. En fait, à une époque, en discutant avec King, ils auraient parlé des projets sur lesquels ils travaillaient, et MacLeod aurait dit qu'il travaillait sur une nouvelle inspirée de son enfance, qui aurait bien parlé de 4 enfants qui vont à la recherche d'un cadavre. Et a priori, il y aurait plusieurs incidents similaires, sauf que MacLeod a jamais réussi à terminer la nouvelle. C'est resté à l'état d'idée. Et peut-être de notes, ça je ne sais pas. Et King aurait donc repris dans le corps l'idée de base, même s'il s'agissait... Ah non, il s'agissait du cadavre d'un chien dans la nouvelle de MacLeod, et plusieurs des péripéties. A priori, MacLeod n'a rien dit jusqu'au moment où le film est sorti, et c'est quand le film sort qu'il demande à ce que son nom soit au générique et une partie des royalties, ce que King lui refuse... J'ai pas trouvé à quel prétexte, parce que l'affaire n'est rapportée que dans Haunted Heart, en fait, une biographie non officielle de King, écrite par Lisa Rogak, mais qui ne donne pas le point de vue de King sur la question, pour le coup. D'accord. Alors que ça aurait été intéressant de l'avoir. Bah oui, carrément. Mais donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur la nouvelle en elle-même, et donc je propose qu'on passe à la critique, à nos avis. Je te laisse commencer, comme d'habitude. Bah écoute, moi, c'est une nouvelle que j'apprécie plutôt. Je trouve qu'elle se lit bien. Les personnages des trois gamins, Gordy, Chris, Vern, et... c'est comme les sept nains, à chaque fois, on en oublie un. C'est Tommy, et... non ? Tommy ou Terry ? Non, Terry, je crois, plutôt. Je vais revérifier. Mais bref, l'alchimie entre les quatre fonctionne bien, ils ont tous vraiment une caractérisation Teddy. Très... On n'avait pas, Teddy. Aucun de nous n'avait bon. Aucun de nous n'avait bon. Voilà. Ils sont tous différents et leur alchimie fonctionne bien, et c'est pareil pour tout ce qui tourne autour d'eux, en fait, leur petite vie quotidienne, leur petit tracas, tout ça est bien amené et ça aide à créer une certaine empathie, je trouve, envers eux, et finalement on se laisse embarquer dans cette petite quête initiatique qu'ils vont vivre au fil de la nouvelle, quoi. Oui, globalement, j'ai un avis similaire. C'est une nouvelle bien écrite qui gère bien l'idée d'un regard adulte qui a plutôt bien conscience en même temps de tout ce qui allait pas dans leur enfance. Le fait qu'ils étaient quand même dans une sacrée ville de merde, ça se passe à Castle Rock. Oui. Et que les quatre venaient d'un environnement pas franchement bienveillant. Ça, c'est plutôt bien traité, donc il y a une forme de mélancolie, mais qui en même temps, je trouve, ne devient pas naïve. C'est plus. Presque toute la nouvelle sonne à la fois comme une quête initiatique et comme le début de la fin, puisque, comme ça va être attesté à un moment, en réalité, il n'y a que Gordon, qui est le narrateur, qui est encore vivant au moment où il écrit, comme si la ville les avait condamnés à mort. Et que celui avait réussi à y échapper. Oui, c'est ça, tout à fait, Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Peut-être oui. deux, trois moments un peu longués, mais rien de bien excessif. Et je passe un bon moment en la lisant. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est une nouvelle qui aborde quand même plusieurs sujets, en plus de la quête initiatique, de la recherche, de la reconnaissance. Ça aborde aussi un petit peu le deuil avec le personnage principal via le deuil de son frère. Ça aborde aussi forcément le regard des enfants, pardon, sur les adultes et sur leurs parents. Ça, tu vas avoir ça avec justement Vern, dont le père a terminé en hôpital psychiatrique. C'était dit. C'était Teddy, pardon. Oui, non, Vern, c'est l'autre, c'est le petit rigolo de service. Donc Teddy, donc le père s'est retrouvé en hôpital psychiatrique et surtout a fait pas mal de mal physiquement à son enfant. Ça aussi, c'est expliqué. Donc oui, c'est une nouvelle qui aborde pas mal de choses, et je trouve que très souvent, on peut avoir ce reproche, on l'a déjà eu, toi et moi, dans ce podcast, d'enfants qui sont un peu trop écrits comme des adultes, et là, au contraire, je trouve que les enfants sont véritablement des enfants, quoi. C'est-à-dire, le seul qui a des moments adultes, c'est Chris, mais c'est dit assez rapidement que justement, lui est quand même mentalement peut-être un peu plus avancé que les autres et a un peu plus conscience du monde qui l'entoure. Oui, bah parce qu'au final, c'est un peu le plus négligé des quatre par ses parents. Oui, Parce que tout à Teddy, fait. il y a son père qui a viré fou, et voilà, mais a priori, il n'y a pas de souci majeur avec sa mère, tandis que Chris, a priori, ses deux parents sont très, très maltraitants. Oui, voilà. L'intégralité de sa famille, en fait, parce que c'est aussi le cas de ses aînés. Et Gordon, bon, ses parents n'ont rien à faire de lui, mais ils sont pas physiquement maltraitants. Ils ont fait le strict minimum dans son éducation, on va dire. Oui, et puis ils en ont rien à faire de lui, parce que je pense que les parents aussi, la perte de leur premier enfant, c'est comme ça que c'est décrit, il les a pas mal traumatisés, et donc du coup, Alors, les a un ouais, peu même déconnectés, quoi. si Même c'est si, quand même même dit à avant, plusieurs oui. moments que déjà avant, l'autre enfant, l'aîné, était très très favorisé par les parents. Oui, clairement. C'est pas dit, mais tu pourrais ressentir ça comme le fait que Gordon n'aurait peut-être pas été un enfant vraiment voulu, quoi. Je crois que si c'est dit en plus, hein, que Ah, d'accord, je m'en souviens Gordon est né plus. tardivement, alors que ses parents pensaient qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant et que du coup il était clairement un accident et que c'était pas franchement un heureux accident. Ah oui, c'est bon, oui, c'est ça, je m'en souviens, effectivement. Effectivement, c'est plutôt dans l'adaptation, c'est pas trop dit. Oui, dans l'adaptation, on peut beaucoup plus mettre ça sur le compte du deuil, même si là aussi il y a les flashbacks, effectivement. Bah, globalement, on retrouve l'idée que Castle Rock, comme Derry, sont des villes un peu maudites où rien ne va bien en fait, où tout le Oui. monde est transformé et amené à devenir quelqu'un de mauvais. La folie dans laquelle sombre le père de Teddy, on peut supposer que c'est des PTSD en partie, parce qu'on sait qu'il a fait le débarquement de Normandie. Et on peut imaginer qu'il l'a mal digéré, ce qui peut être compréhensible vu ce que Oui, ce qui c'était. est plus, sinon Voilà. ce qui est plus que compréhensible. Mais il y a aussi un peu l'influence habituelle de Castle Rock ou de Derry sur ses habitants qui exploitent toutes leurs faiblesses et les rend particulièrement fous. Et puis ça, oui, et ça se voit d'autant plus sur pas mal d'autres personnages. À un moment, on accuse Chris d'avoir volé l'argent du lait, donc Oui. de la récolte du lait, quoi, du laitier. Plus tard, en fait, dans le roman, on apprend, enfin dans la nouvelle, on apprend qu'il a voulu le rendre, mais qu'en fait, non, c'est l'une de ses profs qui finalement lui a volé l'argent qu'il avait volé lui-même. Ouais. Il y a aussi ça avec le commerçant qui, à un moment, essaye d'arnaquer Gordon de manière vraiment pas terrible, quoi, et qui surtout vraiment le traite comme un moins que rien. Et puis, bah, surtout, t'as également le propriétaire de la décharge. Ouais, effectivement, ouais. Qui lui aussi est totalement psycho, quoi. cet effet négatif qu'a Castle Rock sur les personnages, effectivement, ça se voit. Pour le coup, pour une œuvre écrite très tôt, donc, dans la carrière de King, je trouve qu'elle a une conscience sociale qui apparaîtra globalement un peu plus tard, quand même, dans sa bibliographie. Parce qu'il y a beaucoup le thème de la reproduction sociale, en fait, avec Chris, notamment, qui a conscience que, du fait qu'il est né dans un environnement de merde, il va falloir qu'il se batte 10 fois plus que les autres pour s'en sortir, et même s'il se bat, il y a 9 chances sur 10 qu'il s'écrase, quand bien même il aurait du talent, ce que montre l'incident du lait, d'ailleurs. Oui, il le dit. Il est accusé, et il est persuadé que ça ne serait pas arrivé à quelqu'un venu d'un meilleur milieu social, ce qui est très certainement vrai. Oui, clairement. Un personnage très touchant, effectivement, Chris. Mais c'est intéressant, je trouve, cette tendance au message social qui n'était pas forcément fréquente chez King dans ses tout débuts. Parce que politiquement, on en a pas mal parlé dans le podcast, c'est une naissance progressive qu'on constate dans l'œuvre de King. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que les yeux s'ouvrent au fur et à mesure. Il y a des vraiment beaux passages dans les descriptions de la nature, je trouve. Oui. Ça réussit à capter quelque chose là aussi. Moi, concrètement, il y a un passage que, pour moi, est en trop, et on en a parlé tout à l'heure, c'est l'intégration de l'une des deux nouvelles. Et c'est la première, je trouve, qui est amenée de manière très abrupte. Oui. Vraiment, à la lecture, tu te dis, ben, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je suis en train de lire tout autre chose, il n'y a même pas vraiment d'avertissement qu'on va te balancer un truc à la gueule, comme ça, quoi. Oui, et puis elle est un peu longue, la première aussi. Oui, et puis elle est longue, et alors que la seconde, elle, s'intègre bien mieux, parce que c'est Gordon qui s'apprête à raconter, et surtout, elle est quand même plus orientée enfantin, on va dire, comme genre d'histoire, quoi. Mm. La seconde fait très mature, avec l'histoire de Chico, là, de sa nana, et tout, tu dis, oula, bah, je pense qu'elle est là pour montrer comment, une fois devenu auteur, Gordon a réutilisé son vécu pour écrire. Oui, c'est ça, j'ai compris, je comprends le pourquoi, et sur le comment, qui je me questionne. Oui, pareil, parce je qu'elle trouve nous est moins bien intégrée que l'autre, clairement. C'est ça, elle nous est balancée vraiment comme ça, très, très brusquement, et puis, comme tu dis, elle est longue, quoi. Ce qui est intéressant, c'est la critique que, l'autocritique que Gordon fait de sa nouvelle, et donc l'autocritique que King fait de sa nouvelle juste derrière, oui. Où il dit que... ouais, quand même, elle est pas folle comme nouvelle, et surtout, elle est affreusement violente envers les femmes. Ce qui est intéressant, encore une fois, de King, du coup, dans les années 70, qui se rend compte de ça, alors que c'est quelque chose qui lui a régulièrement été reproché dans son début de carrière, et où, pareil, il a une évolution très progressive, jusqu'à avoir des personnages féminins beaucoup mieux maîtrisés, depuis les années 2000, enfin deuxième moitié des années 90, on va dire. Oui, c'est ça, totalement. C'est un peu pareil pour l'histoire, pour la nouvelle du dégueulis, où là, c'est la fin qui est critiquée, et c'est aussi l'un des reproches qu'on a souvent fait. Oui, King, effectivement. De faire des fins un peu bâclées, expéditives. Même si là, ceux qui reprochent la fin bâclée, c'est plutôt les proches, les copains, ouais. Les deux moins... vifs du lot, parce que c'est vrai que Teddy et Verne, c'est bien montré que c'est pas de leur faute, mais ils sont pas particulièrement vifs non plus. Et du coup, on a l'impression que c'est King qui dit aussi un peu « Ouais, mais je fais les fins que je veux et je vous emmerde. » Bah, et puis, il a raison. Oui. Si c'est ça le message, il a raison. Globalement, la nouvelle est vachement autobiographique à plein de niveaux. Hein. C'est mentionné à un moment que Gordon a écrit un roman sur sur quelqu'un qui a le pouvoir de lire la pensée et quelqu'un qui a le pouvoir de lire le futur. Oui. Bon, Shining et Dead Zone, quoi. C'est ça. Et plus tard, c'est dit qu'il a une femme et trois enfants, ce qui est le cas de King. C'est totalement autobiographique, effectivement. Ouais. J'ai trouvé que c'était une nouvelle qui, malgré son ambiance un peu crépusculaire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, mais, je pense, ouais. C'est quand même une nouvelle qui n'est pas du tout négatif. Les personnages ne font que aller vers l'avant, et vraiment, ils veulent toujours aller vers l'avant, c'est... Ça balance en fait pas mal, malgré le sujet, quand même, qui est bah les gars, venez, on va aller voir un cadavre, ouah, c'est trop cool. Malgré le sujet, la nouvelle ne fait que balancer en fait des ondes positives avec cette relation qu'ont les gamins entre eux, et ça fait plutôt du bien. Ouais, oh, ça doit être parce qu'on n'a pas vécu à la campagne, nous les cadavres sont ramassés trop vite, on va pas les voir. C'est ça. Tout ce qu'on voit, c'est des cadavres d'animaux dans la rue, et puis c'est tout. Ouais. Oui, effectivement, il y a un côté très positif, et on se demande limite si Gordon n'écrit pas cette histoire une fois adulte pour essayer de retrouver cet aspect positif, étant donné que c'est dit aussi qu'il est dans une phase de sa vie où il sait pas trop où il va, où même l'écriture le satisfait plus entièrement. Donc ça peut donner l'impression que c'est une manière de se soigner. Tout à fait, oui. Ce qui est, du coup, encore une fois, assez intéressant dans ce que ça raconte. Et puis quand tu le transposes à la vie de l'auteur. Oui. De King en lui-même, je veux dire. Oui. Je pense qu'à la limite, à la première écriture, après Salem, c'était une période où il allait encore relativement bien, malgré le succès naissant, mais quand j'imagine qu'il l'a retouché avant de la publier, et effectivement, du coup, on est dans les années 80, qui est la période où il a tous ses ennuis de dépendance, et où donc il était probablement au plus bas niveau psychologique. Tout à fait. Donc je pense clairement que c'était aussi peut-être une manière d'essayer de retrouver sa jeunesse à lui. On retrouve quand même pas mal d'archétypes, de personnages fortement appréciés par King. Oui. Typiquement les adolescents bully qui aiment bien casser les couilles. Oui. Bah les héros, ils pourraient venir du club des losers, hein, clairement. Oui, aussi. Clairement. Bah, on retrouve l'idée que pas mal de personnages sont alcooliques aussi. Il y en a plusieurs de mentionner. Donc oui, c'est une nouvelle qui s'inscrit quand même dans des archétypes de King, tout en étant, encore une fois, dans un recueil, on l'a déjà dit quand on a parlé des évadés et de Rita Hayworth, dans un recueil qui était assez surprenant à l'époque pour du King tout de même. Oui, parce que c'était quand même beaucoup plus orienté vers le drame, le social... Là où, clairement, à ce moment-là, on l'attendait plutôt sur de l'horreur pure et dure, quoi. Ouais. Bah, moi, sur la nouvelle, ça va être à peu près tout ce que j'ai à dire. Oui, je pense qu'effectivement, on a fait le tour. Hein. C'est pas une nouvelle interminable. Ça s'étend sur un peu plus de... Allez, je dirais entre 200 et 250 pages, donc... Ouais, c'est mais, ça. Mais, ouais, c'est clairement une nouvelle qu'on apprécie tous les deux et qu'on encourage à lire. Bah, après... Comme l'ensemble du recueil, en fait. Oui, c'est un bon recueil, même si je trouve un élève doué inférieur, c'est quand même un recueil à lire chez King. Clairement. Donc on va pouvoir passer au film. Eh bien, allons-y. In all our lives, there's a fall from innocence, a time after which we are never the same. It happened in the summer of 1959, a long time ago. Oh man, where do you hear this? Where do you hear this? What is it, man? You guys want to go see a dead body? When the night has come and the land is dark. We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower. Kid's gone. They're never gonna find him. Not where they're looking. And the moon is the only light we'll see. You think Mighty Mouse could beat up Superman? Mighty Mouse is a cartoon. Superman is a real guy. No way a cartoon could beat up a real guy. We're gonna be famous. We're gonna be on every radio and TV show in the country. I still don't think we should go. For some, It's the last real taste of innocence. I'm never gonna get out of this town, am I, Gory? You can do anything you want, man. And the first real taste of life. This is really a good time. The most. A blast. But for everyone, it's the time that memories are made of. So darling, darling, stay. Le projet d'adaptation de la nouvelle Le Corps est lancé assez tôt après la publication, puisqu'il est lancé en 83 par les scénaristes Bruce A. Evans et Reynold Gideon. En fait, il y en avait un qui avait offert le recueil à la femme de l'autre, mais du coup, ils en avaient profité pour le lire et ils avaient beaucoup aimé cette nouvelle-là. Au départ, la demande initiale de King pour céder les droits était de 100 000 dollars et 10% des bénéfices bruts du film, et c'est cette deuxième condition qui est jugée excessive et qui va être négociée petit à petit. Les scénaristes sont très motivés, mais ils ont pas grand monde pour les soutenir dans un premier temps, donc ils vont aller vers le réalisateur Adrian Lyne, qui venait de faire Flashdance à l'époque, qui avait été un gros succès. Mais malgré cela, ça va être assez compliqué de trouver un studio prêt à s'engager dans le projet, jusqu'à ce qu'il contacte Embassy Pictures, qui négocie des droits plus bas et une plus petite part des bénéfices. Et les scénaristes, en fait, sont tellement motivés par ce projet qu'ils acceptent même de renoncer à une partie de leur part sur les profits pour satisfaire les exigences salariales d'Adrian Lyne. Mais ce qui va bloquer, c'est que Lyne sortait de la production de 9 semaines et demie qui avait été pas mal compliquée, qu'il termine en fait dès 1984, mais le film ne sortira qu'en 86 parce que les studios ne savaient pas trop quoi en faire. Donc Lyne n'était pas vraiment en état psychologique de se relancer dans quelque chose et il demandait... justement plus d'un an pour prendre une année sabbatique et attendre 86 avant de se lancer. Les scénaristes avaient envie que ça aille plus vite. Donc un autre réalisateur est contacté, Rob Reiner, ce qui est un peu surprenant comme choix à l'époque parce qu'il était surtout connu en tant qu'acteur, il n'avait pas encore réalisé grand chose. En fait, son seul film terminé c'était Spinal Tap. Et quand on le contacte, Garçon Choc pour Nana Chic, que j'ai pas vu, était en cours de post-production, je pense, au moment où on le contacte. Il était surtout connu en tant qu'acteur, en fait. Oui, oui, tout à fait. Il hésite un peu au départ parce qu'il trouve le scénario intéressant, mais avec des défauts, et il finit par accepter la réalisation en septembre 84. Selon lui, le principal souci du scénario à l'époque, c'était qu'il... traiter les quatre personnages du groupe à peu près à égalité sans mettre l'accent sur un en particulier, ou alors si ça mettait l'accent sur l'un, c'était plutôt sur Chris. Ce qui n'allait pas vraiment à Rob Reiner, c'est lui qui propose de plutôt se concentrer sur Gordy. Ce qui limite est surprenant que ça n'ait pas été fait dès le départ, parce que c'est Gordon le narrateur à la base de la nouvelle, même si effet dans leurs actions ils sont à peu près à égalité dans la nouvelle. Oui, mais bon... Même dans la nouvelle, je trouve que c'est quand même marqué qu'il y a un personnage principal, quoi. Ouais, je trouve aussi. Mais c'est pour ça que certaines actions qui sont accomplies par d'autres personnages dans la nouvelle vont être faites par Gordon dans l'adaptation, notamment la fin quand il prend une arme face au bully. C'est Chris, normalement, dans la nouvelle, qui prend l'arme. Là, c'est Gordon pour mettre un peu plus au centre. Mmh. Mais du coup, je trouve que ça ne colle pas vraiment avec le personnage à ce moment-là. C'est un choix bizarre. Oui, un peu pareil, ouais. Peu avant le début du tournage, à l'été 85, Embassy Pictures est vendu à la Columbia, qui veut faire annuler le film parce qu'il n'y croit pas, et le film va être sauvé par son producteur Norman Lear, qui va en fait mettre les 7,5 millions du budget de sa poche pour que la prod continue. Il connaissait Rob Reiner parce que c'est lui qui avait développé la série All in the Family dans laquelle Reiner a joué pendant des années. Mmh. Du coup, il faut dire merci au roi, alors. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais peur que tu ne la comprennes pas. Oui, je l'ai. Le casting va être assez compliqué parce que c'est toujours compliqué de trouver des acteurs de cet âge. Il y a pas mal d'acteurs qui sont vus, certains sont envisagés dans différents rôles. Il y a Ethan Hawke, d'ailleurs, en début de carrière, qui est envisagé à un moment. Et au final, ça se centre sur, dans le rôle de Gordy, Will Wheaton, qui avait déjà eu quelques rôles très secondaires, mais c'est son premier rôle important. Par la suite, il va surtout avoir une carrière télévisuelle dans Star Trek New Generation, où il joue Crusher, qui est un rôle apparemment récurrent, et il joue son propre rôle dans The Big Bang Theory. C'est ça. Du coup, il y a beaucoup de vannes sur le fait qu'il ait joué dans Star Trek. Dans le rôle de Chris Chambers, il y a River Phoenix, qui avait déjà eu un des rôles principaux dans Explorers de Joe Dante, et qui aura une carrière éclair, hélas. Il jouera pour pas mal de gros réals, pour Peter Weir dans Mosquito Coast, pour Sidney Lumet dans À bout de course, pour Spielberg dans le troisième Indiana Jones, Gus Van Sant dans My Own Private Idaho. Mais il meurt très jeune, en fait, à 23 ans, d'une overdose, alors qu'il était en train de tourner un film qui s'appelle Dark Blood, réalisé par George Sluiser, dont la prod va alors être arrêtée, mais le film va finir par sortir, malgré l'absence de certaines scènes, en 2013. Et River Phoenix, parce que c'est le frère de Joaquin Phoenix. Voilà, c'est ça. Dans le rôle de Teddy Duchamp, il y a l'autre acteur vraiment connu du casting, Corey Feldman, qui était lui-même un enfant battu, donc apparemment il s'est assez facilement retrouvé dans le rôle. Donc Corey Feldman, à l'époque, lui aussi, il était déjà sur la voie du succès. Il avait joué Tommy Jarvis dans Vendredi 13, chapitre final, qui n'est pas du tout le dernier Vendredi 13. Oui. Tommy Jarvis, c'est un personnage récurrent dans les Vendredi 13 suivants, sauf qu'après, il y a 10 ans qui séparent le 4e et le 5e Vendredi 13, donc il est tout de suite adulte après, donc il n'est plus joué par Corey Feldman, qui lui était toujours jeune, parce qu'il n'y a que quelques années dans la prod qui passent par contre. Il est aussi dans Les Goonies, dans Les Banlieusards de Joe Dante, dans Génération perdue de Schumacher. Où il retrouve du coup Kiefer Sutherland. Ouais, c'est ça. On y viendra. Ouais. Sa carrière, lui, sera très ralentie par des problèmes d'addiction et en fait aussi des problèmes psychologiques, parce que ça a été révélé il y a quelques années. Il a été victime de pédophile à Hollywood pendant une partie de sa jeunesse. Voilà, c'est ce qui a mené à ses problèmes d'addiction et à ses problèmes psy en général. Même si c'est lui qui double Donatello apparemment dans Tortue Ninja, Les Chevaliers d'Écailles. Oui, exact. Tu l'as vu du coup, la série ? Oui, oui, je le savais. Alors c'est laquelle, Tortue Ninja, Les Chevaliers d'Écailles ? C'est pas la série de notre enfance ? Les Chevaliers d'Écailles, il me semble. Mais si, si, c'est celle-là. D'accord. C'est bien celle de notre enfance. D'accord, bon. Que je n'ai vu qu'en VF pour le coup, parce que je ne l'ai pas re-regardé depuis que je tombais accidentellement dessus, étant jeune justement. Oui, fatalement. <Ouais. rire> Et c'est très dur, tu sais que c'est très très dur à trouver, hein. Ça n'a quasiment jamais été édité en physique chez nous ou quoi que ce soit. Hein. En même temps, à chaque fois que j'en revois des extraits, c'est quand même pas très bien hein, en vrai. Oui, et puis ça a pris un sacré coup de vieux. Ouais. En termes qualitatifs, il n'y a vraiment que les premières saisons qui sont vraiment bonnes, et après ça commence très très, ça va très très vite à chuter, quoi. Ouais. C'est dommage parce qu'après il y a pas mal d'autres séries animées Tortue Ninja qui sont plutôt pas mal, mais qui sont moins reconnues aux yeux du grand public. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un gros gros phénomène de fan toxique autour de Tortue Ninja, hein. Pour le coup, ils ont l'air bien vénères aussi. Ouais, et bien centrés sur la série des années 90, alors que c'est pas l'original techniquement, du coup c'est encore plus débile presque de défendre à tout prix cette version-là, qui est déjà une version parmi d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, il n'y a qu'à voir les réactions. Je me souviens quand il y a eu une April O'Neil noire. Ouais, ça faisait peur. Hein. Voilà. Comme d'hab, on les emmerde, ces gens-là. Oui, voilà, totalement, ouais. Pour en revenir au casting du film, Vern, le quatrième du groupe, est joué par Jerry O'Connell, qui joue le petit ami de Sidney, Derek, dans Scream 2. Il joue aussi dans Mission to Mars, et c'est lui qui fait le réalisateur de porno dans Piranha 3D. Ah, oui, effectivement. Ça a été une voix récurrente de Superman, surtout dans les films d'animation entre 2015 et 2020. Et ouais. À la télé, il a été dans des séries diverses, dans Preuve à la pluie et pas mal d'autres depuis 2020. Lui, il est dans Star Trek Lower Decks en tant que voix aussi, vu que c'est une série d'animation. Oui, c'est une série animée, qui apparemment est très très bien d'ailleurs. Ouais, la bonne réputation. Je pensais que tu l'avais regardé du coup, vu que t'es très... Non, jamais vu celle-là. Il va falloir que je me penche dessus. Et on va aussi mentionner donc deux autres rôles extérieurs au groupe. Donc Ace, le chef des Bullies, qui est joué par Kiefer Sutherland. Lui, il avait déjà eu des rôles importants avant. Il est un peu plus âgé que les autres dans Comme un chien enragé ou Un printemps sous la neige. Il sera lui aussi, comme tu le disais, dans Génération perdue, où il est très très bien. Et c'est clairement lui qui a la carrière la plus stable du cast, en réalité, et bah, en grande partie grâce à 24 heures chrono. Mais il est aussi dans des films comme Dark City, Taking Lives, qui est plutôt sympa, ou Fun Game, qu'on aime beaucoup tous les deux, dans lequel il joue l'antagoniste. Oui, où il apparaît vraiment à la toute fin, du coup, physiquement. Oui, mais c'est lui qui fait la voix, et la voix joue beaucoup quand même. Mais oui, c'est vrai que le monde le connaît surtout pour 24 heures chrono, alors que finalement, toute sa carrière a été parsemée de petits rôles au cinéma par-ci par-là. Ouais. Il n'a pas fait que ça. Après, il y a eu tellement de saisons de 24 heures chrono, et ça a été une série qui a eu tellement d'impact. Et puis qu'il y a eu un revival en plus. Mais du coup, effectivement, c'est aussi l'occasion de dire que Génération Perdue, c'est très très bien. C'est vraiment très bien. C'est un film, un film de vampire, mais qui, je trouve, traite pas mal de ce qu'indique son titre, donc d'une génération qui cherche des repères. C'est presque plus un film social qu'un film de vampire, au final. Il gère très bien sa métaphore. Gordon, adulte, est joué par Richard Dreyfuss, connu pour ses rôles dans Les Dents de la Mer et Rencontre du Troisième Type. Il est aussi dans Always de Spielberg, mais j'ai pas vu Always, pour le coup. Moi non plus. Il avait émergé, comme pas mal de gens de sa génération, dans American Graffiti de Lucas. Et il gagne l'Oscar du meilleur acteur en 78 pour un film appelé Adieu, je reste. Après, on peut le voir dans Poséidon, W, l'improbable président. Et il est lui aussi dans Piranha 3D. Et apparemment, c'est un gros connard très très de droite maintenant. Apparemment, effectivement, oui. Qui lâche des bonnes grosses saloperies en interview. Du coup, c'est marrant d'avoir joué dans un film qui, littéralement, en français, s'appelle Reste près de moi, alors que après t'as joué dans... Dans quoi ? C'est Au revoir, je reste ? Always et Adieu, je reste. Oui, et Adieu, je reste, du coup. Qu'il avait fait avant, techniquement, du coup. Ah. Vu que c'est 78. Pardon. Et on peut mentionner enfin John Cusack dans le rôle du grand frère, dont on a un acteur dont on a déjà parlé à l'occasion de l'excellent Chambre 1408 et du plutôt sympathique Cell. Exactement. Ça devait être l'un des tout premiers rôles de Cusack, d'ailleurs. C'était relativement au début de sa carrière, ouais. Les acteurs principaux, lesquels Quatuor est réuni par Reiner avant le début du tournage, qui leur fait faire pas mal d'exercices de jeu et d'improvisation afin de développer leur alchimie pour un tournage qui finalement s'étend du 17 juin au 23 août 85, en partie à Brownsville dans l'Oregon. La photographie est de Thomas Delrous, qui était déjà sur Running Man, dont on a déjà parlé de lui. La bande originale est de Jack Nitzsche, qui ensuite a écrit Ainsi par les Zarathoustra, qui est par contre le compositeur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, en co-composé avec Ed Bogas. Il est aussi compositeur sur La Chasse de William Friedkin, Starman de Carpenter, un des rares Carpenter qui n'est pas mis en musique par le Réal, ou Le Diamant du Nil. Et sinon, c'est quand même plutôt un mec qui a une carrière de musicien, producteur et arrangeur pour pas mal d'artistes un peu orientés rock, dont Phil Spector, Neil Young et les Stones. Donc il a quand même eu une carrière plutôt importante dans le milieu du rock. Oui, effectivement. Après, ici, sa BO est assez limitée en termes de temps, parce qu'il y a pas mal de chansons d'époque qui sont utilisées. C'est une BO académique, mais j'aime bien l'idée qu'il utilise tout du long la mélodie de la chanson Stand By Me, comme... de manière très discrète. Ouais. Donc, Stand By Me. De manière très discrète, et du coup, ça n'a pas cet effet « je te sors du film » que peut avoir souvent l'utilisation d'une musique-titre. Ouais. En trance. Ouais, là c'est bien fait. Donc Stand By Me, qui est une chanson de Ben E. King, qu'on entend en générique de fin en entier. Et a priori, sans que ce soit certain, c'est peut-être un titre. On viendra sur la question de pourquoi le titre a été changé, mais c'est peut-être un titre qui a été choisi parce que River Phoenix l'a travaillé à la guitare pendant les pauses sur le tournage. Ah, d'accord, rigolo. Ça pourrait venir de là. Rigolo, quoi qu'il en soit, c'est une excellente chanson. Donc, oui, c'est ça, ouais. Qui reste bien en tête. Le film va être au final distribué aussi par la Columbia, parce qu'un autre distributeur a été cherché sans succès pendant un moment, et le directeur de production de la compagnie est changé alors qu'il y a une recherche de distributeur, et en fait, alors qu'il était malade chez lui en train de regarder un peu les films de son studio pour savoir ce qui se faisait, celui-là plaît particulièrement à ses filles. Donc il décide de le distribuer aussi, en changeant le titre, parce qu'il avait l'impression que Le Corps, soit on verrait l'association avec King et on croirait que c'est un film d'horreur, soit on verrait pas l'association avec King et on croirait que c'est un porno. Donc il pense qu'il vaut mieux changer le titre. Le second raccourci, j'ai du mal à le voir. Autant le premier, d'accord, autant le second, oui. Alors, The Body, effectivement, en VO, c'est peut-être... on emploie peut-être moins juste le corps pour, dans une dimension érotique, on rajoute un truc après en français. En anglais, c'est vrai que ouais. Body, ça peut très vite évoquer quelque chose d'un peu sensuel. Ouais, ouais, ouais, à la limite, d'accord. J'entends. Tu sais, ça, ça réfléchit pas loin, hein, les producteurs, sinon ils feraient autre chose que producteurs. C'est pas là pour être intelligent. C'est vrai, c'est pas faux. Le film connaît d'abord une sortie limitée le 8 août 86 dans 16 cinémas et il marche déjà très bien, puis une sortie globale le 22 août pour un budget donc estimé au total à 8 millions, il en rapporte plus de 52, donc c'est un franc succès. Mmh. Les critiques à l'époque, les critiques pro en tout cas, sont un petit peu mitigées. Il y en a qui évoquent un film très touchant et la qualité du casting, il y en a d'autres qui se montrent plus réservés, notamment sur la réalisation et le scénario, en estimant que Rob Reiner utilise quand même de sacrément grosses ficelles. Mmh. Actuellement, par contre, c'est un film qui a clairement atteint le statut de film culte, puisqu'il a 92% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place, dans le classement de ce qu'on a vu pour le moment, deuxième à égalité. Alors, avec 1922, si on prend le score de fraîcheur, mais son score d'audience est de 94%, alors que 1922 est seulement à 57%, donc il l'écrase de loin. Et oui. En réalité, il écrase même le premier, qui carrie un meilleur score de fraîcheur, mais il a que 70% en score d'audience, 77% en score d'audience. Donc, c'est peut-être le film préféré qu'on ait vu jusqu'à présent, si on prend le score d'audience, pour le coup. D'accord. Et sur Allociné... Après, c'est le film préféré à... N'oublions pas que c'est aussi un film très grand public, comparé à beaucoup de films qu'on a déjà abordés dans le podcast. Ça joue probablement, ouais. Et il a 4 étoiles sur Allociné, ce qui le placerait 6e entre Misery et la première saison de Monsieur Mercedes. D'accord. C'est un film que King adore depuis sa sortie. Apparemment, quand il est sorti, il considérait que c'était la meilleure adaptation de son œuvre. Et une de celles qui préservait le mieux l'essence de son récit, même s'il avait déjà aimé des films sortis plus tôt, dont Cujo, Carrie et Dead Zone. Et il le met dans sa liste de ses adaptations favorites de ses propres œuvres. En 2017, Rob Reiner, à qui on demandait dans une interview quel était le film qu'il préférait dans sa propre filmographie, il cite Stand By Me. Et c'est suite au succès conséquent de ce film que Reiner va pouvoir fonder sa propre compagnie de production qu'il appelle du coup Castle Rock Entertainment. Castle Rock, exactement. Via laquelle il produira entre autres Misery, dont on a déjà parlé, mais aussi d'autres adaptations de King. Je suis plus certain sur lesquelles, mais je sais que Dolores Claiborne en fait partie, c'est produit par Castle Rock. Oui, il me semble, oui. Hé, et attendez! Je vous parie tout ce que vous voulez que si on le retrouve, on a notre photo en première page. Oui, on passera même à la télévision. C'est sûr. Super-héros. Ouais. Il y a un lézard, Billy va savoir que c'est de moi que ça vient. Il va rien dire, puisque justement, c'est nous qui l'aurons retrouvé. Et pas Billy et Charlie Hogan qui ont piqué la tire. Et le maire va même t'en mettre une médaille. Oh, sérieux, tu crois? Certain. Qu'est-ce qu'on va dire à nos vieux? Exactement ce que t'as dit. On dit tous à nos vieux que ce soir, on campe dans ton pré. Toi, tu leur dis que tu vas dormir chez Teddy. Nous, après, on dit qu'on va le lendemain aux courses au dragster. On est parés jusqu'à demain soir. Mon vieux, c'est un plan génial. Mais si on retrouve vraiment le corps de Bauer à Harlow, nos vieux vont savoir qu'on n'était pas aux courses, bonjour la raclée. Il y a personne qui va râler, parce que dans le pays, ils vont tous être chamboulés par notre découverte. Non, ça va baigner. Ouais, bof, mon vieux, il va me frapper, mais merde, ça vaut une danse. Je veux, ouais. On le fait, vous êtes d'accord? Ça marche. Candy? Ouais. Verne? Oh, j'en sais rien. Verne. Traîne pas, Verneau. Verne, hein, Verne. Verneau, hop là, Verneau. D'accord, un Verneau. Ouais, okay, ok. Super, Verne. Wow. Cosmique. Foutrale, foutrale, cosmique. Ouais. Je voulais partager l'enthousiasme de mes amis, mais je n'y parvenais pas. Mais donc voilà, un petit film qui a un statut culte, et nous allons passer à nos avis. Je te laisse commencer. Eh ben écoute, moi, Stand By Me, c'est un film que j'aime beaucoup aussi. C'est un film qui a ses défauts, mais du coup, le revisionnage que j'en ai fait hier, je me suis vraiment laissé réemporter dans cette histoire. Je trouve effectivement que c'est un film touchant, plutôt bien maîtrisé, C'est un film qui va vite, hein. C'est vraiment, tu rentres dedans direct, t'as pas le temps de te poser. La première scène, c'est la scène où ils sont réunis dans la cabane. T'as Vern qui arrive, les gars, il y a un cadavre, allez hop, on y va. Et puis vraiment, ça prend pas le temps d'attendre, quoi. Il y a pas de présentation de perso vraiment posée comme il pourrait y avoir dans la nouvelle. Ce qui, pour le coup, est un peu dommage, on y reviendra. Je trouve que ça fait partie des soucis, des quelques petits soucis du film. Mais ouais, moi, c'est un film, à chaque visionnage, bah, je suis bien. Vraiment, je me pose et je trouve que le... Je prends plaisir à chaque fois à regarder Stand By Me, vraiment. Je me laisse emporter par cette ambiance, par la musique, par les décors. Voilà, après on en parlera un peu plus en profondeur. Certes, c'est pas un film exempt de défauts, mais je te laisse prendre la parole. Stand By Me, c'est la deuxième fois que je le voyais. C'est une adaptation que j'ai découverte tard, en fait, de King. Et Stand By Me... Ça persiste à la deuxième vision, c'est un film que je n'aime pas. Donc ça va être notre premier vrai gros désaccord, je pense. En fait, je trouve qu'il a des qualités, il est vraiment pas exempt de qualités, mais pour moi, il a quelques gros défauts qui sont omniprésents. Du coup, ils vont totalement m'empêcher de rentrer dedans. En fait, pour moi, il y en a deux. Je trouve le cast pas fabuleux, en vrai. Ouais. Surtout, surtout les deux plus connus, les deux plus connus du Quatuor. Corey Feldman, je trouve ça vraiment dur pendant tout le film. Et River Phoenix, je le trouve très inégal. Donc ceux qui interprètent Vern et. Chris et Teddy. Chris pour Teddy, River Phoenix et Teddy pour Corey Feldman. Oui, pardon. Et le deuxième gros souci pour moi, c'est la voix off qui vient très souvent. Réexpliquer des trucs avec des passages quasiment repris tels quels à la nouvelle. Oui. Et à chaque fois, je me dis oui, mais j'avais compris tout seul et ça fait que me sortir du film d'avoir une voix off qui en rajoute. D'autant que j'ai l'impression que Richard Dreyfuss a lu son texte une fois en 5 minutes et qu'il était vraiment pas très impliqué dans le délire. Hein. Je trouve vraiment qu'il a pas l'air d'être à fond, quoi. Et en fait, c'est un peu le souci, c'est que vu qu'elle revient toujours, cette voix off, à chaque fois que je commence à rentrer dans une scène, il y a papy qui vient me dire « Oh, c'était le bon temps, ça, à l'époque !» Alors, il y a des moments où oui, et il y a des moments où... comment dire ? Certains passages, c'est les bons moments qu'ils ont pris, et d'autres, oui, effectivement, c'est du trop. Typiquement, le passage où ils sont dans la décharge et qu'ils se font courser par le clébard, Gordon se fait courser par le clébard, parce que c'est le seul qui se fait courser. Après, tu sais, quand il réapparaît et quand il voit vraiment le chien, il y a ce moment qui est repris du coup dans le roman où il dit et c'est la première fois que je me suis confronté à ce qu'est la réalité et ce qu'est la légende. Et en fait, tu vois que le chien n'est pas un molosse invincible comme ce que les gamins s'imaginent. Là, typiquement, je trouve que la voix off fait bien le taf. Ouais, je trouve qu'il y aurait eu moyen de le faire autrement, tu vois. Il y a un moment où je trouve qu'elle marche vraiment bien, c'est vers la fin, sur un des derniers plans sur Chris, quand on le voit s'éloigner, encore jeune, oui. Et qu'il y a la voix off qui raconte comment il est mort dans un accident bête en essayant d'empêcher une bagarre quelques années plus tard. Oui, et du coup on le voit disparaître en fondu, quoi. Mais justement ça marche parce que là il y a un décalage... entre temporelle. Ce que raconte la voix off et ce qu'on voit à l'image, tandis que le reste du temps, je trouve qu'elle fait doublon. Ah non, et pas tout le temps pour moi. Moi, j'aime bien le casting. Mon souci, ça serait plutôt le caractère des persos et surtout de Teddy et de Vern, qui je trouve les potards sont poussés encore plus. Que dans la nouvelle, et des fois ça fait vraiment un peu trop, je trouve. Teddy, il est psycho, genre oui. Des fois il est trop psycho, et Vern, des fois il est un peu trop. C'est un peu trop le flippé, un peu concon, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est le Ron Weasley du groupe, clairement. Voilà, et en fait, des fois c'est beaucoup. Je trouve que des fois c'est trop poussé, que ça peut un peu me sortir du récit. Mais sinon, non, je suis plutôt... les acteurs me convainquent plutôt dans l'ensemble du film. Je pense que la simplification des caractères est liée au fait que, effectivement, comme tu disais, le film est court, il fait même pas une heure et demie, même pas tout à fait. Donc il est obligé d'aller vraiment très très directement pour le coup, on a dit de beaucoup d'adaptations qu'elle dura un peu trop longtemps. Celle-là, au niveau timing, faut lui admettre qu'elle est bien gérée. Elle dit pile ce qu'il faut. Ah, et puis pour le coup, le film, il n'y a pas de temps mort. À aucun moment, tu ne sens le temps passer, vraiment. Ouais. Le rythme est vraiment soutenu et bien maîtrisé, quoi. Ça, pour le coup, oui, rythmiquement, il est bien géré. Y a des... Donc, comme je l'ai dit, il y a aussi, je trouve, de très beaux décors. Il y a vraiment des moments où les gamins sont un peu contemplatifs devant les paysages qu'ils parcourent, et ça rend plutôt bien. Ouais, c'est dommage que la photographie soit pas plus extraordinaire que ça. Et au final, ne souligne pas tellement la beauté des décors. Mais oui, il y a des beaux décors. La réalisation est globalement pas... Enfin, Rob Reiner, c'est pas le réalisateur le plus fantasque du monde, mais je trouve quand même qu'il fera mieux par la suite, pour le coup. Oui, non, c'est très académique. Il fera bien... Typiquement, il fera bien mieux sur Misery, des années après. C'est ça. Et même sur certains de ses films hors King, j'ai déjà vu des trucs qui m'ont plus intéressé chez Rob Reiner. Voilà, là, disons que tu sens que c'est vraiment le début de carrière en tant que réalisateur, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est que son troisième, à la limite. Et que je pense qu'il voulait mettre la réalisation en retrait pour se concentrer sur l'histoire, il doit y avoir de ça aussi. Oui, sur l'histoire et sur la relation entre les personnages. Ouais. Le truc qui me fait toujours un peu hésiter, c'est... hésiter sur le fait, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, mettre plus en avant Ace et son groupe. Il y a vraiment des passages où je me dis, est-ce que c'était vraiment utile ? À d'autres moments, je me dis, oui, celle-là, elle amène quelque chose. Voilà, je suis un peu le cul entre deux chaises sur ça. En fait, c'est étrange en termes de choix de narration et de point de vue, étant donné que c'est censé être un récit de Gordon. Oui, c'est ça. Mais il y a des passages avec ce groupe-là qui rend bien, typiquement le moment en fait, où ils font la course. Et donc, ils sont côte à côte sur la route, et tu sais, il y a un camion qui leur arrive en face, et tu vois que Ace persiste. Vraiment, jusqu'à prendre un risque mortel, finalement, pour pouvoir ensuite profiter de l'accident pour doubler l'autre. Je trouve que cette séquence est très réussie, que la tension est bien menée, et que justement, ça montre le côté totalement psychopathe du personnage de Ace. Vraiment, ce moment-là, je le trouve réussi, alors que, à côté de ça, le moment où il s'amuse à péter des boîtes aux lettres, à quoi ça sert, quoi? C'est réussi le moment où il défonce, enfin où il y a quasi l'accident de voiture, d'autant que ça peut le rapprocher de Teddy, la scène où il veut éviter le... Enfin, où il prétend éviter le... Le train. Le train. Mmh, exactement. Donc ça peut montrer un peu ce que risque de devenir Teddy par la suite. En fait, il aurait peut-être suffi que la scène soit intégrée dans un récit des quatre qui discutent des rumeurs autour des grands... Tandis que là, mise comme ça, elle paraît un peu extérieure au reste du film. Oui, c'est ça. Je comprends que ça soit pour que le spectateur comprenne pourquoi Ace et son groupe sont là à la fin. Même si normalement, si t'es pas trop con, tu comprends quand même que c'est les deux autres qui l'amènent ici. Mais voilà, je comprends. Mais en même temps, il y en a peut-être un peu trop autour de Ace et sa bande. Ouais, peut-être un tout petit peu trop, effectivement. Une autre différence, c'est que on sait dès le départ dans le film que Chris est mort, parce que ça s'ouvre là-dessus, sur Gordon adulte, qui regarde un journal annonçant la mort d'un certain Chris Chambers. Et on fait le lien quand on réentend parler de Chris un tout petit peu après. Mm. Ce qui, pour le coup, peut être un choix intéressant parce que ça fait planer l'ombre de la mort sur tout le film, comme elle est présente dans la nouvelle, mais dans la nouvelle, c'est plus présent parce que c'est narré par Gordy. Tandis que dans le film, c'est bien d'avoir trouvé ce palliatif, de nous annoncer tout de suite qu'au moins un des persos est mort, alors qu'on va le voir enfant pendant tout un film. Oui, voilà, c'est ça. C'est le seul, d'ailleurs, dans le film qui meurt. Les autres, on nous dit juste qu'ils tournent mal. Il y en a un qui va en taule, l'autre, il traîne dans les quartiers défavorisés, mais ils ne sont pas morts dans le film. Ou alors on ne le sait pas. Ou alors on ne le sait pas. C'est impossible étant donné que Gordy dit aussi qu'ils se sont quand même pas mal éloignés les uns des autres. Voilà. Alors que par contre, dans la nouvelle, c'est dit frontalement. Ils sont tous morts. Ouais. Gordon est le seul survivant de cette petite bande. Vraiment un thème récurrent, l'éloignement de ses amis d'enfance chez King, vu que c'est quand même aussi un des thèmes centraux dans ça. Je pense aussi que c'est quand même un thème central dans la vie d'énormément de gens. Hein. Qui a encore près de lui ses amis vraiment de la petite enfance ou du tout début d'adolescence. On est finalement très peu. Oui, ou alors conservé. On en garde un ou deux, mais oui. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai des amis de l'époque plutôt ados, vraiment 14-15, mais 11-12-13, plus personne. Et je pense que c'est moi, il m'en reste un de vraiment ma petite enfance, mais c'est parce que nos mères se connaissent, donc forcément... ça aide. Ça aide à entretenir le lien, mais sinon, non. Mais la différence avec King, à qui ça semble... que le sujet semble travailler, c'est que moi, je m'en fiche vraiment, et j'ai vraiment plus de souvenirs, pour le coup, de mes amis d'enfance. Oui, pareil, c'est exactement pareil. Oui, chez King, c'est vrai que tu pourrais... tu peux sentir une espèce de regret, en fait, à ne plus les avoir, ces amis d'enfance-là. Ouais, c'est ça, il a l'air de bien se souvenir, par contre, lui, de sa jeunesse. Pas forcément de manière positive, il tombe pas dans le sentimentalisme, mais d'en avoir des souvenirs... Et d'en regretter certaines choses, de savoir faire la part des choses, de savoir dire qu'il y avait plein de problèmes, il en a quand même souvent parlé, mais de regretter certaines choses quand même. Oui, le regret et aussi le fait que très souvent chez King, ces personnages ont eu des amis d'enfance et que finalement, après ça, ils n'ont plus jamais eu plus d'amis tout court. Et c'est le cas du personnage de Gordon, d'ailleurs, il le dit. Il le dit qu'il a pu, en toute fin du film, il le dit, comme ça que termine d'ailleurs son roman qu'il est en train d'écrire. Il le dit qu'il n'a plus jamais eu de véritable ami après cela. Ouais, c'est ça. Qui est une phrase reprise à la nouvelle, mais dans la nouvelle, elle est en milieu de récit. C'est pas ça qui termine le corps. D'ailleurs, je trouve la fin du film qui est différente du roman, parce que dans le film, tu le vois vraiment avec ses enfants. Et je trouve la scène un peu touchante quand lui est dans ses souvenirs d'enfance et au loin, il entend son fils jouer avec un de ses amis. Et il a un petit sourire... plein d'humanité, finalement. Et je trouve cette fin assez touchante. Pour le coup, ouais, la fin ferme bien le cycle et les thématiques autour de ça. Alors que dans on l'a pas dit, la nouvelle, il nous explique que quand il a appris la mort de Chris, il a dit à sa femme qu'il allait faire une course. Alors qu'en fait, il s'éloignait pour chialer pendant de longues minutes sur la mort de son ami, quoi. Ouais. Avec une remarque un peu homophobe, mais on va dire que c'était la mode à l'époque. Oui, après, j'ai l'impression... En fait, la nouvelle est pas mal chargée en remarques racistes ou homophobes, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est plus une recréation du langage de l'époque, enfantin, et un peu des codes débiles des gamins et de la masculinité, parce que lui-même dit plusieurs fois qu'il y avait des incitations à être un homme, un vrai, qui poussait à faire des trucs totalement cons. Donc je pense que c'est plus dans cette optique-là que dans une optique réellement homophobe, pour le coup. Oui, oui. Il y a même un moment où il dit que l'un des passe-temps préférés entre amis, c'est de trouver des insultes de plus en plus violentes pour dénigrer les mères des autres, quoi. Oui, effectivement. Oui. Ah, ça stimule l'imagination, ça va. Oui, voilà. Mais peut-être que j'ai regretté que j'ai voulu rembourser. T'as essayé de rembourser ? Possible. J'ai dit possible. Et possible que j'ai été la voir, la vieille Simone, c'est que je lui ai tout dit et après que je lui ai filé le fric. Mais le renvoi de 3 jours, je l'ai eu parce qu'on l'a jamais revu, le fric. Et possible que 8 jours après, la vieille Simone, elle se baladait avec une jupe neuve au lycée. Ouais, elle était marron avec des rayures. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Disons que je l'ai piqué, ce fric-là, mais que la vieille Simons me l'a piqué après. J'aurais eu bonne mine à raconter ça. Moi, Chris Chambers, le frangin de Tim Bull Chambers, tu crois qu'il y en aurait eu un pour me croire? Non. Et tu penses que cette pute aurait osé faire cette saloperie-là si elle avait vu arriver un fils à papa à la con avec le fric à la main? Jamais! Ça, non. Mais avec moi. Remarque. Je pense que ça devait faire un bout de temps qu'elle orgnait sur cette jupe. Enfin, elle a saisi l'occasion, voilà tout. C'est moi l'imbécile, j'aurais jamais dû rendre ce pognon. J'aurais jamais cru. Non, j'aurais jamais cru qu'une astite. Oh, puis je m'en fous! J'aime bien la manière dont t'es amené une scène aussi présente dans le livre, mais quand, après l'incident de la décharge, Il réalise que finalement, voir un cadavre, ça va peut-être pas être si cool que ça. Oui, exact. Ce moment où il commence à réaliser ce qu'est la mort, ça marche assez bien. Juste après l'avoir frôlé, hein. Là on est typiquement dans le récit initiatique. Oui, c'est ça. C'est vraiment prendre conscience de la mort après que toi-même tu l'aies frôlé. Alors c'est un peu avant, la décharge c'est avant le train, et puis à la décharge il frôle moyennement la mort. Le oui, mais il a, oui, mais il a eu la peur. Oui, la oui peur voilà, la mort, c'est plus la quand peur. Même, voilà, avec c'est le ça. Chien qui le course. Et oui, du coup frôler la mort c'est juste après. Et fatalement, ça fait un parallèle, parce qu'il se fait courser deux fois, en fait. Une fois par une créature bien vivante, et puis une fois par une énorme créature faite de fer. Donc le train, la locomotive. Et la scène est vraiment chouette, hein. Vraiment, je trouve que c'est... Tu noteras que quand on cherche un animal pour être un antagoniste dans le film, on met un chien, hein, c'est pas un chat. Enfin, moi, je dis ça, je dis... Bon, chez King, il y a quand même beaucoup de chats aussi, hein. Oui, mais les chats, c'est pas de leur faute. Ils deviennent méchants après être morts. Donc je disais, je trouve la scène de la locomotive particulièrement réussie, elle aussi. Elle est très réussie, et a priori, elle a été un peu compliquée à tourner. C'est un des rares moments où Reiner s'est énervé sur le tournage. Je n'avais pas mis l'anecdote. Mais parce que, évidemment, c'est pas tourné avec la locomotive réellement à 5 mètres des acteurs. Oui, merci. Donc c'est une focale très longue qui est utilisée pour aplatir les perspectives. Mais du coup, les acteurs voyaient que la locomotive était loin d'eux et donc ils n'arrivaient pas à paniquer assez. Donc Reiner en a eu assez leur a dit il y a toute une équipe technique qui porte des machines lourdes et qui est épuisée en plein soleil parce que vous ne mettez pas sérieusement dans le rôle. Et apparemment, il a dû pousser un peu une gueulante alors qu'il a été plutôt sympa sur le tournage, visiblement, en dehors de ça. Du coup, en plus de la locomotive, il leur a rajouté un chien qui les poursuit. C'est ça, peut-être. J'aime beaucoup aussi comment Reiner vraiment jette un regard très pudique finalement sur le fameux corps quand il le trouve. Oui. Là où dans la nouvelle c'est vraiment décrit de manière très horrifique, justement avec un corps qui se dégrade et qui est vraiment dégueulasse à la lecture. Là c'est vraiment beaucoup plus sobre finalement quand on nous le montre. Et la découverte du corps, en plus il y a une toute petite mélodie au moment où il le trouve, je trouve que c'est une scène très réussie également. Ouais, c'est bien d'avoir préservé une sobriété, tandis que le roman, ça marche avec le traumatisme de Gordy. Oui. Mais en film, effectivement, ça aurait vite fait un peu voyeuriste, je pense. C'est ça. Je pense vraiment qu'il a pris la bonne décision à faire une scène aussi peu, avec aussi peu d'exposition finalement, parce que du corps, on ne voit que le visage et il n'a pas beaucoup de stigmates dessus, quoi. C'est ça. En fait, la seule description que ça reprend à King, c'est cette idée qu'il n'a pas l'air gravement blessé. Gordon se fait la remarque. Il n'a pas l'air si gravement blessé. Moi, j'ai déjà pris plus dans la gueule et j'étais encore vivant. Oui. Dans les scènes dont on peut parler, soit parce qu'elles marchent, soit parce qu'elles marchent moins bien, selon moi, je suis moyennement fan de la scène du récit, justement, celui sur... le concours de tarte. Ouais. En fait, je trouve les jets de vomi réussis. Alors, on va peut-être raconter l'histoire, du coup. Alors, réussis, oui et non, mais en fait, ils sont volontairement ratés, justement. Oui, c'est ça. Mais du coup, je trouve qu'ils marchent. C'est ça, on est d'accord. Bon. En gros, c'est Gordon qui raconte une histoire sur un garçon qui est moqué par tout le monde, enfant comme adulte, parce qu'il est très, très enveloppé. Et il décide de se venger en participant à un concours de mangeage de tarte. Sauf qu'il a avalé de l'huile de foie de morue avant pour être bien certain d'avoir l'estomac en mauvais état et pour vomir sur tout le monde et pour que tout le monde, par réaction, vomisse sur tout le monde. Et autant, justement, les jets de vomi, justement, ont un côté très excessif dans leur visuel, donc ça marche bien avec le côté grotesque de l'histoire. Ouais. On sent un jeu aussi un peu plus excessif, mais je trouve que dans la réalisation, dans la photo, dans le rythme, il y aurait aussi avoir quelque chose de plus pour que vraiment ce soit une pure scène débile, limite sortie d'un film des Marx Brothers en plus vulgose, quoi. Oui, parce que là, en fait, la scène, déjà la scène où ils engouffrent les tartes, au final, est plus écœurante que rigolote, alors que ça aurait dû être le but, justement. Il y a vraiment que la scène où ça commence à dégueuler partout, où c'est fun. Mais vu que avant, tu t'es tapé la scène de bouffe qui, elle, te met un peu la nausée, bon bah du coup, ça a un peu l'effet... Je pense que ça a l'effet inverse. Est-ce que ça, c'est pas lié aussi à notre époque où on a commencé à beaucoup voir sur Internet ces trucs d'engloutissement de nourriture nauséabond et que du coup, j'associe assez facilement ça à quelque chose de négatif, moi. Oui, au dégoût. Ouais. Déjà, chez nous, les concours de bouffe comme ça, c'est pas quelque chose de très répandu. Chez nous, en France, et même, j'irais jusqu'à dire en Europe, c'est surtout très américano-centré, ce genre de truc. Et moi, personnellement, ça m'a toujours écœuré, toujours de voir, même des vrais concours, je trouve ça écœurant dans le principe. Ah oui, complètement. En plus du gâchis alimentaire que ça produit, hein, là c'est vraiment le fait de voir des gens s'engouffrer de bouffe et s'en foutre partout, je trouve ça écœurant visuellement. Bah, surtout que c'est pas bon du tout pour leur santé, quoi. C'est se faire du mal vraiment pour... Pour de la merde, rien. Ça, on est d'accord. Oui, c'est ça, pour le spectacle. Donc peut-être que ça joue, il y a peut-être aussi cet aspect-là qui fait qu'on trouve cette scène un peu écœurante. Peut-être que si c'était courant chez nous, voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais j'aime pas les tartes aux myrtilles. Moi j'aime bien les myrtilles. Mais je suis d'accord qu'effectivement la scène manque vraiment de cartoonerie pour inventer un mot. Ouais, il aurait fallu oser aller plus loin, ce qu'il tente un peu, mais pas assez à fond. C'est ça, faire un peu plus de pop, que ça soit vraiment un pulp, quoi. Que ça soit débilos, mais du début à la fin. C'est ça qu'il aurait fallu. Oui, parce que c'est débile, quoi, comme histoire. C'est une histoire, une blague de gamin, en fait. Oui, c'est ça. Par contre, bonne idée de ne pas avoir, du coup, intégré la nouvelle avec Chico, là. Oui, voilà, ils ont dû se rendre compte qu'elle s'intégrait mal et qu'il n'y avait pas moyen de la mettre bien. C'est ça, ça par contre, c'est quelque chose qu'on retire de la nouvelle, et tant mieux. Ouais. Quand Chris raconte l'injustice dont il a été victime, là par contre j'aime bien l'injustice autour de l'argent du lait justement. C'est comme je disais, River Phoenix, je le trouve inégal. Dans cette scène, je le trouve très bien. Ouais. C'est vrai qu'il est très touchant. Ouais. Donc, pour le coup, je trouve, je sais pas toi, hein, mais les quatre gamins quand ils racontent leurs souvenirs un peu, enfin surtout les trois parce que Vern n'en a pas tellement finalement, je trouve, il est un peu en retrait par rapport aux autres. Parce que t'as le moment où Teddy s'énerve parce que le propriétaire de la décharge traite son père de gros malade, de malade mental, ouais. Alors que lui, Teddy, a une admiration sans borne envers son père. Les autres enfants, d'ailleurs, font remarquer comment ça se fait que tu as une admiration autant élevée pour lui alors qu'il a essayé littéralement de te buter, qui est très particulier, mais ça, c'est les relations parentales, père-fils, père-mère, ça peut être compliqué par moments. Oui, c'est probablement un moyen pour lui d'essayer justement d'effacer. Oui, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est bien amené et je trouve que l'acteur est juste à ce moment-là quand il pète un câble à propos de ça. Et ouais, moi pour le coup, j'ai vraiment du mal tout le temps avec Corey Feldman dans le jeu. Mm-hmm. Mais par contre, oui, l'idée est bien en tout cas. Mm. Et t'as aussi le moment où du coup, Gordon lui. Craque totalement parce que pour lui, il est persuadé que son père le déteste. C'est juste après avoir trouvé le corps, d'ailleurs, ce moment-là dans le film. Tandis que, en réalité, son père, c'est pas vraiment qu'il le déteste, mais c'est qu'il l'ignore totalement. Oui. Il y a un changement un peu de la relation dans les brefs flashbacks qu'on a avec le frère aîné, le frère mort. Dans la nouvelle, c'est dit qu'ils étaient quand même un peu étrangers l'un à l'autre, que c'était pas un mauvais frère, mais qu'il était la plupart du temps assez distant. Oui, là, ils sont assez dans proches. Dans le film, c'est quand même montré que le frère, par contre, était assez proche de Gordon et s'intéressait à lui. Il s'intéressait à lui, il s'intéressait aux écrits qu'il faisait, parce qu'à un moment, il en parle quand ils sont en train de manger à table. Ouais. Donc oui, Et du coup, en fait, cette proximité que rajoute le film, ça donne du crédit, en fait, aux réactions qu'a Gordon envers le deuil de son frère et tout. Ouais, pour le coup, c'est bien d'avoir changé cette relation, je trouve. Je trouve aussi, oui. La confrontation finale, du coup, comme on l'a dit, il y a le changement de la personne qui tient l'arme. C'est Chris dans la nouvelle, c'est Gordon dans le film. Ça, pour le coup, c'est une mauvaise idée. Ouais. Parce que du début à la fin du film, on nous fait vraiment comprendre, on nous le dit clairement, comme dans la nouvelle, que c'est Chris, le chef de la bande. Et que c'est lui qui a toujours été au-devant, c'est toujours lui qui a pris les décisions, c'est toujours lui qui est face au danger, lui qui représente l'action du groupe, quoi. C'est très bizarre, ça... Vraiment, à chaque moment, ça me perturbe. Ça ne correspond pas au personnage de Gordon. Ouais, je pense que c'est pour essayer narrativement de donner le final à Gordon, mais ça marche pas très bien en termes de développement de personnage, en termes de cohérence des personnages. Bah oui, c'est ça. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Alors après, on est dans la même scène que dans la nouvelle. On a Ace qui menace les gamins, qui vraiment a totalement vrillé après que l'un ait insulté copieusement sa matriarche. Et il lui a dit de lui sucer la bite aussi. Voilà, lui sucer sa grosse bite, attention. Ouais. Attention, les mots ont un sens, Issam. Kiefer Sutherland, c'était déjà un putain d'acteur. Hein. Ah oui, pour le coup, lui, c'est un très bon acteur. Ah la vache, déjà, il maîtrisait, quoi. Vraiment, le psycho, il le joue, mais à la perfection sur cette scène-là. Déjà la scène... La scène de la course où il fait face au camion doit beaucoup à lui, à sa présence. Mais là, quand il est prêt à égorger Chris, parce que c'est ce qu'il s'apprête à faire avant le coup de feu, vraiment la folie dans les yeux, Kiefer Sutherland, putain, dès le début de carrière, il était très bon. Ouais, ça, c'est un des meilleurs éléments du casting, je trouve, Sutherland. Il en impose tellement que tu te dis, mais finalement, pourquoi lui avoir foutu des associés avec lui qui sont en retrait, mis à part le... Le frère de... c'est le frère de qui ? C'est le frère de Chris, je crois, d'ailleurs. C'est le frère de Chris, ouais. C'est le seul qui est un peu développé, parce qu'on nous dit que c'est le frère de Chris. Alors, les autres, vraiment, ne servent à rien, quoi. Mis à part à annoncer, on a trouvé un cadavre. Tu dis... Ace, via Kiefer Sutherland, en fait, il bouffe tous les autres à l'écran, donc... Ouais, limite, tu te dis, pourquoi avoir mis les autres ? Il est aussi beaucoup plus mis en avant, mais oui, le jeu en rajoute encore, il est bien au-dessus des autres. Hein. C'est ça, il est tellement menaçant qu'en fait, lui seul aurait suffi. Bah, de ce que j'ai compris, au-delà de ses qualités formelles, parce que j'ai jamais vraiment regardé 24 heures chrono, mais au-delà des qualités formelles et innovatrices, c'est aussi une série qui doit beaucoup à Sutherland. Hein. Oui, à Sutherland. De toute façon, dans le... Pareil, 23 chrono, j'ai jamais vraiment regardé, mais toutes les fois où je l'ai vu dans d'autres films, il était bon, quoi. Oui, pareil, ouais. Est-ce que toi, t'as des choses à rajouter sur le film ? Non, je pense qu'on a fait le tour. On peut conclure pour l'aspect critique du film. Très bien. Eh bien, nous allons donc trouver une petite scène... pour faire un comparatif du film et de la nouvelle. Très bien, nous allons lire une scène issue du milieu de la nouvelle et du film. Les quatre amis se sont déjà pas mal éloignés de la ville. Ils suivent la voie ferrée et il se trouve qu'il y a une portion de la voie ferrée qui passe au-dessus d'une rivière sur un pont qu'il n'y a pas. Qu'il n'y a pas moyen de passer à pied à moins de faire un détour de plusieurs kilomètres qu'ils n'ont pas envie de faire, surtout ils n'ont pas envie de paraître pour lâches, et donc ils ont décidé de marcher au milieu des rails, là où si un train arrive, il n'y a aucun moyen de s'écarter. Voilà, donc nous allons lire ma version, c'est-à-dire le format livre de poche, édité par le livre de poche de différentes saisons, et traduit de l'anglais par Pierre Alliant. Si je vous le lis en anglais, ça fait Pierre Alien, voilà. Nous sommes à la page 512, l'automne de l'innocence de Le Cor. Et bien que depuis lors j'ai écrit 7 livres à propos de gens ayant des facultés aussi exotiques que lire dans les pensées et prévoir l'avenir, c'est alors que j'ai eu ma première et dernière illumination psychique. Je suis sûr que c'était ça, comment l'expliquer autrement ? Je me suis accroupi et j'ai empoigné le rail de gauche. Il vibrait sous ma paume. Il vibrait si fort que je croyais tenir un nœud de serpent métallique et mortel. Vous avez entendu dire « ses entrailles se sont liquéfiées » Je sais ce que cette phrase veut dire, exactement ce qu'elle veut dire. C'est peut-être le cliché le plus vrai jamais inventé. J'ai eu peur depuis cette époque, très peur, mais jamais autant qu'à cet instant où j'ai touché le rail brûlant, vivant. Il m'a semblé que pour un moment, tous les organes de mon corps se sont ramollis, comme évanouis. Un mince filet d'urine a coulé sur l'intérieur de ma cuisse. Ma bouche s'est ouverte. Je ne l'ai pas ouverte. Elle l'a fait d'elle-même. La mâchoire est tombée comme une trappe dont on a soudain enlevé les gonds. Ma langue s'est plaquée contre le palais, risquant de m'étouffer. Et tous mes muscles se sont bloqués. C'était le pire. Mes entrailles étaient flasques, mais mes membres étaient bloqués, dans une étreinte terrible, et je ne pouvais plus bouger du tout. Cela n'a duré qu'un instant, mais subjectivement, ce fut un instant d'éternité. Toutes mes perceptions se sont intensifiées, comme si les impulsions électriques de mon cerveau étaient survoltées, avaient sauté du 110 au 220. J'ai entendu un avion qui passait dans le ciel et j'ai eu le temps de souhaiter m'y trouver, tout simplement assis près d'un hublot, un coq à la main, regardant vaguement la ligne sinueuse et miroitante d'une rivière dont je n'aurais pas su le nom. Je voyais chaque écharde et chaque anfractuosité de la traverse goudronnée où je m'étais accroupi. Et du coin de l'œil, je voyais le rail que j'agrippais toujours et qui vibrait d'un éclat dément. La vibration pénétrait si profond dans mon corps que ma main vibrait encore quand je l'ai retirée. Les terminaisons nerveuses se sont heurtées sans cesse l'une l'autre, provoquant les mêmes picotements que lorsqu'une main ou un pied engourdi se réveille. Je sentais le goût de ma salive soudain électrifié, amer et se coagulant sur les gencives. Pire que tout, plus horrible encore, je n'entendais toujours pas le train. Je ne savais pas s'il se précipitait sur moi, par devant ou par derrière, ni où il était. Il était invisible. Rien ne l'annonçait, sinon ce rail pris de tremblotes. Rien pour nous prévenir de la catastrophe imminente. Une vision de Ray Brower, horriblement mutilé et projeté dans un fossé comme un sac de linge sale éventré, mais passé devant les yeux. Nous allions le rejoindre, ou du moins Vern et moi, ou moi en tout cas. On s'était invité à nos propres funérailles. Cette idée a secoué ma paralysie et je me suis relevé d'un coup. J'avais sûrement l'air d'un diable à ressort, mais en fait, j'avais l'impression de nager sous l'eau, d'avoir à remonter non pas 1,50 m d'air, mais plutôt 150 mètres de liquide. Mes gestes me semblaient ralentis, comme pris d'une terrible langueur, et l'eau s'écartait à regret. J'ai fini par atteindre la surface. J'ai hurlé « Un train !» Toute trace de paralysie m'a quitté, et je me suis mis à courir. Vern a brusquement tourné la tête, la surprise qui déformait son visage paraissait comique, exagérée, inscrite en lettres géantes. Il m'a vu courir en chancelant, dansant d'une traverse affreusement haute à une autre, et il a compris que je ne plaisantais pas. Lui aussi s'est mis à courir. Très loin, j'ai pu voir Chris descendre de la voie sur la terre ferme, et je l'ai haï soudain d'une haine éclatante, verte et amère, comme la sève d'une feuille d'avril. Il était à l'abri. Cet enculé était à l'abri. Je l'ai vu tomber à genoux et saisir un rail. Mon pied gauche a failli glisser dans un des intervalles. J'ai fait des moulinets avec mes bras, les yeux brûlants comme un roulement dans une machine emballée, repris l'équilibre et continué à courir. J'étais juste derrière Vern. Nous avions dépassé la moitié du ponton et j'ai entendu le train. Il arrivait derrière nous, de Castle Rock. C'était un grondement sourd qui peu à peu a grandi. D'un côté le martèlement du diesel et de l'autre le fracas plus redoutable des grandes roues pesant lourdement sur les rails. « Ah merde !» a crié Vern. « Cours dégonflé !» ai-je crié en le frappant dans le dos. « Je peux pas, je vais tomber !»« Cours plus vite !»« Ah merde !» Mais il a couru plus vite. Un épouvantail titubant, le dos nu brûlé par le soleil, le col de sa chemise ballottant sous ses fesses. Je voyais la sueur sur ses omoplates qui perlaient des petites gouttes parfaitement rondes, le duvet qui recouvrait sa nuque, ses muscles qui se tendaient, se relâchaient, se tendaient, se relâchaient encore et encore. Ses vertèbres ressortaient comme une série de bosses. Chaque bosse faisait une ombre en forme de croissant, et les bosses se resserraient en approchant du cou. Il tenait toujours ses couvertures et moi les miennes. Ses pieds pilonnaient les traverses. Il a failli en manquer une, a vacillé, les bras en avant, et je lui ai redonné un grand coup sur le dos pour qu'il continue. « Gordy, je peux pas, merde! Cours plus vite, tête de nœud !» ai-je beuglé. Était-ce avec plaisir? Ouais, d'une façon étrange, suicidaire, que je n'ai retrouvé qu'en étant complètement ivre, c'était vrai. Je poussais Vern, comme un bouvier, mène au marché une de ses vaches préférées. Et peut-être prenait-il plaisir à sa peur de la même manière, mugissant comme cette vache, criant et transpirant, son torse se soulevant et retombant comme le soufflet d'un forgeron qui aurait pris du speed, courant maladroitement, toujours sur le point de tomber. Le bruit du train se rapprochait, le grondement du moteur se faisait plus grave, Il a donné un coup de sifflet en dépassant l'aiguillage où nous nous étions arrêtés pour lancer du mâche-fer sur le drapeau. J'avais finalement mon chien d'enfer aux trousses, que je le veuille ou non, je m'attendais à ce que la passerelle se mette à trembler sous mes pieds. Quand ça arriverait, le train serait juste derrière nous. « Va plus vite, Verne! Plus vite !»« Oh Dieu, Gordy! Oh Dieu, Gordy! Oh Dieu, ah merde !» La sirène électrique de la motrice a soudain déchiré l'air en mille morceaux, d'un long hurlement balayant d'un coup tout ce qu'on n'a jamais vu dans un film ou une BD, ou dans ses propres rêves, vous faisant savoir ce qu'entendent vraiment les héros, comme les lâches quand la mort les poursuit. Et puis on a vu Chris, en dessous de nous, sur la droite, Teddy derrière lui, ses lunettes renvoyant des éclairs de soleil, et ils criaient tous les deux la même chose. « Sautez !» Mais le train avait aspiré le sang des mots, et il n'en restait que la forme sur leurs lèvres. La passerelle s'est mise à vibrer quand le train a foncé dessus. On a sauté. Verne est tombé à plat ventre dans la terre mêlée de cendres, et moi juste à côté, presque sur lui. Je n'ai jamais vu ce train, et n'ai jamais su si le conducteur nous a vus. Quand j'ai évoqué cette possibilité devant Chris, quelques années plus tard, il m'a dit « Il ne donne pas un coup de sirène pareil pour des prunes, Gordy. » Mais peut-être que si. Il a pu donner un coup de sirène pour le plaisir, je suppose. Sur le moment, ce genre de détails ne comptait guère. Je me suis plaqué les mains sur les oreilles et je me suis enfoui le visage dans les cendres chaudes quand le train est passé comme un ouragan de métal dont le souffle nous a giflé. Je n'ai pas eu l'idée de le regarder. Le train était très long, mais je n'ai pas levé les yeux. Avant qu'il ait fini de passer, j'ai senti une main chaude sur ma nuque et j'ai su que c'était Chris. Quand il est parti, quand j'ai été sûr qu'il était parti, j'ai relevé la tête comme un soldat qui sort de son trou après avoir été bombardé toute une journée par l'artillerie. Verne était encore étalé par terre, il tremblait. Chris était assis en tailleur entre nous deux, une main sur la nuque moite de Verne, l'autre sur la mienne. Verne a fini par s'asseoir, tremblant de tous ses membres et se léchant nerveusement les lèvres. « Qu'est-ce que vous pensez de boire ces coques, les mecs ?» a regardé Chris. « Il n'y a que moi qui en aurais l'usage ?» Nous avons tous pensé que nous en avions l'usage. Voilà. Très bien. Et maintenant, la même scène dans le film. Chiotte. Mène-toi, viens, mène-toi. Lève-toi, Verne. Allez, viens. Mène-toi. Merde, Verne. Tu te lèves, dépêche, merde. Non, je veux pas, non, on va tomber. Mais on va crever, mon Dieu de merde. Allez, allez. Fonce. Fonce. Fonce, bordel, fonce. Dépêche, Verne, fonce, fonce. C'est au moins l'horaire. Donc, ce sont deux scènes relativement proches, au final. Oui, très fidèles. La seule différence, à la limite, c'est que dans le film, les quatre sont vraiment plutôt, j'allais dire peu avancés, mais sont encore assez loin de la fin du ponton, alors que dans la nouvelle, Chris et Teddy sont vraiment, à la limite, dès l'arrivée du train... sont déjà sur la terre ferme, quoi. Ouais, même si même dans le film, il y a quand même un respect un peu de l'ordre dans lequel... Oui, par contre, dans oui. lequel il saute. Mais oui, le film retranscrit bien le train qui se rapproche, bah, comme on l'a dit, par un travail des focales. Et sonorement, la scène est réussie. Oui, tout à fait. En le bruit... En étouffant effectivement les mots. En étouffant les mots. C'est joliment dit dans la nouvelle, le train a bu le sang des mots. Oui, c'est une jolie formule, effectivement. La formule est très jolie. Et c'est vraiment, dans la nouvelle, c'est écrit, t'es sous tension pendant la lecture, quoi, ça ne s'arrête jamais. Ouais. dans une nouvelle qui n'a pas beaucoup de moments de tension vraiment nerveuse, puisque le précédent a été désamorcé avec le chien, avec qui le chien. Finalement est juste un petit roquet pas bien dangereux. Oui, voilà. Et puis le prochain moment de tension, ça sera avec Ace et sa bande, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Si on nommait la nuit où les gamins ont peur, parce qu'ils pensent qu'il y a un fantôme, mais voilà. Mais non, c'est vraiment une très bonne scène, la scène du train, autant dans le film que dans la nouvelle. Elle est très bien menée dans les deux formats. Ça retranscrit bien aussi le fait que, en fait, toute la scène, dans le film comme dans la nouvelle, que c'est des gamins qui n'ont pas conscience encore de ce qu'est la mort, parce que finalement, oui. En traversant ce pont, ils prennent exactement le risque qui a causé la mort du gamin dont ils veulent voir le cadavre. C'est ça. C'est ça. Donc c'est assez impressionnant de les voir faire cette erreur au final, alors qu'on pourrait se dire qu'ils devraient avoir un exemple qui leur a appris la leçon, mais non, faut le vivre directement pour comprendre la leçon, presque. C'est exactement ça. C'est en tombant que t'apprends, quoi. Oui. Bah après, si tu te fais écraser par un train, oui, t'apprends pas grand-chose, quand même. Bah disons que tu t'apprends au moment où le train arrive, quoi. Oui, voilà, c'est ça, mais bon. C'est une leçon que t'as du mal à réutiliser par la suite, du temps. C'est pas que t'apprends, c'est que tu comprends. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est une scène qui fonctionne très bien dans la tension dans les deux, pour le coup. Oui, tout à fait. La tension ressentie, c'est très réussi. Et comme on le disait, effectivement, référence de King à ses propres livres au tout début, quand il dit ce qu'il a écrit par la suite. Mm. Il y a aussi une référence à Cujo, d'ailleurs, dans la nouvelle. Puisque justement, il fait un comparatif entre la réputation qu'a le chien de la décharge et Cujo 20 ans plus tard. Il en parle, effectivement, oui. Mais donc voilà, un bon exemple qui montre que c'est une bonne adaptation. Toi, ton avis global sur le film, c'est plus peut-être un ressenti personnel qu'autre chose, finalement. Ouais, je pense, mais du coup, je vais avoir du mal à bien le classer quand même. Oui, totalement. Bon, je propose qu'on y aille, justement, en parlant de classement. Eh ben, allons-y. Bien, donc, il est grand temps de passer au classement, le classement tant attendu, n'est-ce pas? Comme d'habitude, je vais m'occuper des nouvelles et romans, tandis que mon camarade Issam va s'occuper des adaptations, que ce soit en film ou en série. Au niveau des écrits, nous avons maintenant une liste de 55 titres, les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de Lycée. Alors que les 5 derniers sont Le Radeau, L'Année du Loup-Garou, Dr. Sleep, Le Cinquième Quart et Grand Chauffeur. Où classer Le Corps? Où classer Alors... Le Corps? Je te laisse donner tes premières impressions. Alors du coup, comparativement à une autre nouvelle du même recueil, pour moi ça va tout de même en dessous de Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Ça va en dessous. Oui, je suis d'accord. Donc déjà en dessous de la 14e place. Voilà, ça va en dessous de Crapule de bas étage. Ouais. Du coup, moi, La Tour Sombre, je n'ai lu que le premier tome, mais... Donc je n'ai pas de comparatif avec l'entièreté de l'œuvre. Moi, je le mettrais en dessous. Mais j'entends que ça aille en dessous. Ouais. Ce même, je le mettrais en dessous de Cellulaire, hein, moi, déjà. Pour moi, ça va aller Carrie 1408, Running Man, dans cette zone-là, tu vois. Ouais, ouais. Ça irait plutôt dans cette zone-là. Je pense que je préfère quand même Jesse, typiquement. Ouais, je te suis, malgré la fin de Jessie, voilà, tout le reste le rattrape beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est avec Carrie où j'ai une hésitation. Moi, je pense que je préfère un peu Carrie. Ouais. Qui est plus froid, effectivement. C'est ça, il manque un peu de chaleur, mais l'histoire de fond, oui, est plus maîtrisée dans Carrie, oui, effectivement. Entre Carrie et 1408, je te propose. Parce que j'ai beau aimer la nouvelle 1408, ça reste une nouvelle qui est finalement peu détaillée, qui joue surtout sur son ambiance. Mais du coup, oui, la sympathie des personnages et l'ambiance de Le Corps fait que je préfère quand même Le Corps. Ouais, non, mais 1408. Ça me va. Donc ça fait pour Le Corps la 23e place entre Carrie et 1408. Pour les films, nous avons pour l'instant 83 œuvres de classées, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Cette pelle à merde complotiste. Voilà. Et donc, moi, si je... Je regarde Stand By Me... sachant que je vais être prêt à négocier parce que voilà, mais pour moi c'est un film qui a des défauts suffisamment marqués pour être dans la zone désolation, nuit déchirée, le cobaye. Ok, donc on est au 38e à 40e place, c'est Tu vois, je l'aurais peut-être mis juste en dessous du cobaye, en fait, moi. Ouais. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas couper la poire en deux, vu qu'on a deux avis quand même assez distincts, et oui, le remonter toi, un toi déjà, peu. Tu l'aurais mis où, déjà, pour savoir comment on coupe. Alors, moi, je l'aurais mis... En fait, je pense que ça aurait fait une symétrie, hein. Parce que moi, il serait aux alentours, je dirais, L'Angolier, Elle de la Nuit, tout ça. Ouais. Donc ça serait une symétrie. En fait, toi, t'aurais été au début des films où il y a des défauts, mais qui sont bien, tandis que moi, je suis plutôt vers la fin de cette zone-là. Voilà, c'est ça. Du coup, pourquoi ne pas plutôt le mettre entre les deux ? Donc aux alentours de la 30e place, dans ce cas-là. Ouais. Oui, ça me paraît recevable. À ce moment-là, pas au-dessus de Carrie 2. Bah écoute, moi je le voulais pas en dessous de La Peau sur les os, donc ça me va. On peut le mettre entre Carrie 2 et Lycée. Ouais, à ce moment-là, entre Carrie 2 et Lycée, donc la nouvelle 28e place. Voilà. Comme ça, au moins, il est à peu près en... Il n'est pas vraiment en milieu de classement, il est en milieu bas, quoi. Enfin, milieu haut, du coup. Oui, c'est dans le classement des films, il y a quand même une zone où même moi, je vais reconnaître que c'est quand même pire, tu vois. Il y a un peu de l'honnêteté, quoi. Mais oui, ce 28e place, c'est un bon compromis. Donc voilà, une chouette nouvelle et un film qui nous divise un peu plus. Moi, je vous dirais que c'est pas indispensable. Et Chris, du coup, que c'est un vraiment bon film quand même. Oui, voilà, c'est ça. Ah, et moi, c'est un film que je regarde à chaque fois sans déplaisir. Mais voilà, bah, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis et à le donner. A priori, étant donné la réputation qu'il a, même toi, t'es plutôt... modéré par rapport à beaucoup, parce que c'est quand même une adaptation très très appréciée. Oui, il est souvent quand même assez défini, limite de chef-d'œuvre, alors que bon, je ne suis pas non plus à ce point-là. Ouais. C'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça. Il apparaît souvent, oui, dans des tops 100 ou des choses comme ça. Hein. Oh oui, c'est un film. Après, c'est un film qui a dû marquer beaucoup de monde à l'époque de sa sortie et qui a eu un statut culte. Je pense que c'est un truc aussi pas mal de vidéoclubs et de diffusion télé, au moins aux États-Unis. Hein. Oui, typiquement. Ça a pu jouer. Nous retrouvons dans 2 semaines pour parler de Golden Years, ou Contre-temps, ou Compte à rebours, une série scénarisée par King, la première série scénarisée par King. Une série ou 2 téléfilms, on ne sait plus. Oui, c'est compliqué ça aussi. Ça a autant de titres que de formats. Voilà, un peu ça. C'est ça qui est beau finalement. Ouais. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, que ce soit sur Twitter ou sur Blue Sky. @chrislostales pour moi, uniquement sur Blue Skies. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, on met les liens dans la description. Et sur Twitch, Chris sur la chaîne The Lost Tales, où il n'est pas tout seul, et moi sur la chaîne archiviste du cinéma. En ce moment, on fait donc, comme on disait, régulièrement des duels ciné avec Chris sur sa chaîne. Ou toi aussi, sur ta propre chaîne, tu es de moins en moins tout seul. Moi, j'en fais encore régulièrement, c'est juste qu'il y a effectivement des lives collectifs, environ un par semaine, en effet. Oui, voilà. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, je vais pas tarder, je pense, à tourner une nouvelle série de vidéos. Ouais, tu restes toujours dans ta thématique Godzilla. Oui, et d'autres films asiatiques, mais je finirai les Godzilla de l'ère Essai au prochain tournage. Voilà. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.